vous écoutez CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone, et c'est l'heure de notre balade scientifique avec Futur Simple. Et notre balade aujourd'hui s'appelle Éclipse, car vous le savez, lundi prochain, le Soleil va s'éclipser derrière la Lune, un phénomène rarissime qu'il ne faudrait surtout pas manquer. Et pour bien s'y préparer et se mettre dans les meilleures conditions d'observation, pour profiter du phénomène, eh bien, je reçois Joël Leblanc. Il est multi-chapeau, journaliste, animateur scientifique, et il est co-auteur du livre Éclipse, quand le Soleil fait son cirque, paru cet hiver aux éditions Multimonde. Il va donc tout nous dire pour observer cette éclipse. Et en deuxième partie d'émission, il sera toujours question d'éclipse, mais cette fois avec Mathieu Riopel, qui est professeur de physique au Cégep Gardeau. Et Mathieu avait fait une chronique en début d'hiver sur les éclipses célèbres qui ont fait l'histoire des sciences. Ce sera l'occasion de réécouter Mathieu. Mais là, pour le moment, je suis en compagnie de Joël Leblanc. Bonjour Joël. Bonjour Valérie. Alors Joël, il faut commencer par nous rappeler pourquoi il ne faut absolument pas manquer l'éclipse du 8 avril. Quand on a la chance d'avoir une éclipse qui nous passe au-dessus de la tête, il faut effectivement pas la manquer parce que c'est rare. C'est un phénomène, une éclipse totale. Donc, je parle bien de la totale. Les chances que ça nous passe sur la au-dessus de notre région, au-dessus de notre maison, c'est grosso modo une fois dans une vie. Il y a la dernière là, qui a touché le sud du Québec, c'était en 1963. Il y en a eu une en 72, mais qui était plus dans l'est, en Gaspésie, puis sur la côte nord. Et la prochaine qui va toucher le sud du Québec, c'est en 2106, c'est dans 82 ans. La Donc, plupart d'entre nous ne serons plus là. non, exactement. Moi, je n'y serai plus, en tout cas. Cela dit, ça ne veut pas dire que vous ne verrez jamais d'autres éclipses totales de votre vie si vous voyagez, parce que ça survient assez régulièrement quand même sur la Terre, mais que ça se passe chez nous, c'est rare. Et puis, ben voilà, c'est la raison pour laquelle il faut tenter d'en profiter. Voilà, donc ça se passe le 8 avril prochain, mais comment ça se déroule? Qu'est-ce qui se passe pendant une éclipse? Le soleil disparaît pas d'un coup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment que ça se passe? Oui, ben, lorsqu'un objet passe devant une source de lumière, il fait de l'ombre, ben, c'est ça une éclipse. Il y a un objet qu'on appelle la Lune qui va passer devant cette source de lumière qu'on appelle le Soleil, et l'ombre va tomber directement sur nous. En fait, pas que sur nous, cette ombre-là va se... Parce que la Lune se déplace, donc l'ombre va se déplacer sur le globe pendant quelques heures, et notamment, elle va passer sur le sud du Québec. Donc, ce qu'on appelle une éclipse solaire, le soleil, il se passe rien de spécial sur le soleil, c'est simplement la lune qui passe entre nous et le soleil et qui nous fait de l'ombre. Mais ce qu'on voit visuellement, c'est que ce qu'on voit visuellement, oui, c'est Oui. que il fait soleil, puis à un moment donné, on est dans une sorte de pénombre, la lune commence à arriver à masquer le soleil. Oui, ça s'installe effectivement graduellement, ce mouvement-là. Grosso modo, l'événement complet, là, du début, à partir du moment où la Lune commence à grignoter un peu du disque solaire, jusqu'à ce qu'elle ait complètement passé par-dessus et qu'elle ressorte de l'autre côté, on parle d'environ 2 h 20, OK. l'événement complet. Donc, c'est graduel, c'est relativement lent. Je le dis parce que moi, j'ai des enfants de 6 ans et 9 ans qui, eux, ne regardent, ils vont perdre patience à la longue, sauf pendant le moment qu'on appelle la totalité que je vais décrire dans un instant. Mais c'est quelque chose de progressif. Et puis, imaginez que vous êtes à Limoilou cet après-midi-là, vous regardez le soleil de façon sécuritaire, ça aussi, on va en parler. Mais vous regardez le soleil et le disque solaire, donc le cercle du soleil. En bas à droite, on va pas voir la Lune parce qu'elle est pas vraiment visible parce que c'est la nouvelle Lune. Donc elle est éclairée de l'arrière. Donc déjà, il n'y a pas de lumière qui la frappe, donc on peut pas la voir. Et en plus, il y a l'écran bleu du ciel qui nous masque toutes les étoiles et tout ce qu'il y a autour qui est là mais qu'on ne voit pas. Donc bref, on ne voit pas la Lune, mais on va voir sa forme. On va voir le Soleil disparaître et graduellement, à mesure qu'il disparaît, on reconnaît bien que c'est la Lune qui est en train de se placer devant parce que ça a une forme circulaire, cet obstacle-là, cet objet-là qui se place devant. Et puis, donc, ça va arriver un peu en bas à droite du Soleil et ça va se diriger vers le haut, vers la gauche, tranquillement et en passant par une quasi-totalité ici à Québec. Ouais, d'accord. Quand je dis que... Oui, allez-y. Donc, un phénomène qui dure plus de 2 heures et le phénomène, le paroxysme, on va dire, la totalité, là, ça dure pas longtemps. Ben, ici à Québec, on n'aura pas la totalité. On est en dehors de ce qu'on appelle la bande de totalité. On va avoir une éclipse partielle très profonde, c'est-à-dire qu'il va y avoir très précisément à CKRL, il va y avoir très, très précisément une obscuration de 98,6% du disque solaire. Donc, il va juste rester 1,4% de... C'est un minuscule croissant de soleil tout fin qui va rester. Pardon. Donc, c'est difficile de chiffrer la durée parce qu'il n'y aura pas vraiment de moment de totalité totale. C'est un beau pléonasme, moi aussi. Mais il va y avoir ce moment-là d'assombrissement, là, on peut quand même le grosso modo, pendant une quinzaine de minutes, nos yeux vont vraiment le constater. Il fait plus noir et lors de ce maximum de 98,6%, là, ça va être, ce sera pas comme la nuit, mais ça va être comme un bon début de crépuscule où il va faire relativement noir, là. Donc, il y a cette presque totalité à Limoilou, à Québec. Entre 98,6 et 100%, est-ce que ça fait une grosse différence? Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher le 100%? Ça vaut vraiment le coup. C'est un peu contre-intuitif parce on se dit mathématiquement, si on arrondit, on est presque à 100%, mais il se passe quelque chose de vraiment particulier lorsqu'on a une vraie totalité, donc 100% du disque solaire est masqué. Premièrement, il fait extrêmement noir parce que même si on a seulement 1,4% du soleil à Limoilou, ça laisse quand même passer suffisamment de lumière pour que l'obscurité ambiante ne soit pas si prononcée. Mais le plus important, c'est surtout que lorsque le disque solaire va être complètement masqué, les rayons puissants du soleil sont bloqués et là, on peut voir des choses subtiles, des choses lumineuses qui sont toutes fines, comme la planète Vénus qui va être juste en bas à droite du soleil. On va la voir pas à Québec, mais dans la bande de totalité, si on descend au sud, pardon, on va voir apparaître Vénus. En haut à gauche, pardon, du soleil, un peu plus loin, on va voir Jupiter à ce moment-là. Quelques autres étoiles aussi. Et le plus spectaculaire, ça va être ce qu'on appelle la couronne solaire, c'est-à-dire, en langage enfantin, je dirais des rayons de soleil, mais ce sont une espèce de chevelure qui va un peu dans tous les sens, qui est très grande, qui va couvrir, c'est plus grand que la pleine lune, là, un soir de pleine lune. Et puis, en gros, c'est l'atmosphère très lointaine du soleil que normalement, en tout temps, on ne voit pas parce que le soleil nous éblouit. On ne peut pas voir ça. Et là, pendant 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes, dépendamment de où on se trouve, ben, les rayons directs du soleil sont masqués. Et là, on peut voir la couronne solaire. Les gens qui ont déjà vu ça m'ont déjà dit, ils m'ont dit, ben, c'est une éclipse partielle, comme celle qu'on va avoir à Québec, profonde comme celle de Québec. En termes de coolness, en termes de wow, c'est chouette, on est à 9 sur 10, mais une totale, on est à 1000 sur 10 en termes d'émerveillement. Semble-t-il que moi, j'ai encore jamais, j'ai vraiment très hâte, mais ça m'est encore jamais arrivé et je ne vais pas manquer. Non, je ne veux pas la manquer. Non, je ne vais pas rester dans une zone de partielle. C'est sûr que je me déplace cette journée-là pour aller Ça va être la assister. même chose pour moi, là. Je ne veux pas manquer ça. Ça fait plusieurs décennies que je l'attends. Oui. Je ne raterai pas celle-là. Mais donc, c'est intéressant parce que là, vous dites, Joël, la couronne solaire, en diamètre, là, c'est comme le diamètre de la Lune. Ben, en tout cas, ça fait quelque chose qui s'étale vraiment autour de la Lune. Ce n'est pas petit, donc on peut la voir à l'œil nu. On n'a pas besoin de télescope ou d'appareil pour la voir. Non, effectivement, ça se voit à l'œil nu. En fait, c'est plus gros que la Lune, surtout qu'en ce moment, notre étoile, le Soleil, l'activité à sa surface est cyclique. Elle varie sur un cycle quand même assez long, un cycle en moyenne 11 ans. Donc, à tous les 11 ans, il y a un maximum d'activité solaire. Et non seulement une éclipse totale, c'est rare qu'on ait ça chez nous, mais en plus, celle du 8 avril va tomber dans cette période-là qui survient à tous les 11 ans. On est dans un maximum d'activité solaire en ce moment, 2024-2025. Donc, cette fameuse couronne solaire-là va être à son maximum. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est de la grosseur de la pleine lune, mais c'est 2 à 3 fois le diamètre de la pleine lune là, en superficie. Ça occupe une grande partie là, autour du Soleil. Puis bien sûr, la météo, ne Voilà. nous, les nuages, le couvert nuageux ne nous empêche pas de voir cela. Mais on ne va pas parler de malheur aujourd'hui. Je pense qu'on va être nombreux à guetter la météo. Là, on Oui. essaie de regarder la météo qui va faire le 8 avril. Alors maintenant, pour profiter de ce beau spectacle, il faut être dans la zone de totalité. Et là, donc, où faut-il aller? Et à quelle heure? Alors la zone de totalité, ben, c'est une bande de totalité. C'est la trajectoire que il faut voir l'ombre de la Lune comme une petite tache. Bon, petite à l'échelle de la Terre, on parle d'une tache de un peu moins de 200 km de diamètre qui va se déplacer je vais me limiter à la région canadienne, là, mais des Grands Lacs. Le sud du Québec et ensuite qui va se rendre vers le Nouveau-Brunswick et les provinces atlantiques. Donc, ça va passer un peu au sud de Québec. Et en gros, là, excusez-moi, la ville la plus près de Québec, qui est dans la totalité, ce serait Saint-Joseph-de-Beauce. Donc, si on traverse sur la rive sud, on prend l'autoroute 73 et puis arrivé à Saint-Joseph-de-Beauce, on est dedans et on a à cet endroit-là, laissez-moi trouver l'information exacte. On a bien sûr une totalité qui va durer 54 secondes. Donc, pendant 54 secondes, là, le soleil est totalement masqué. On voit cette fameuse couronne solaire et on vit donc la totale. Mais plus on descend, si on descend un peu plus loin, déjà à Beauceville, vous voyez, on est à 2 minutes. Donc, ça monte vite. Ah oui. Beauceville, c'est vraiment pas loin. On descend encore un peu plus au sud à Saint-Georges. On est à 2 minutes 32. Et puis, le maximum, là, toujours dans cette direction-là, ce serait Lac Mégantic, ou là, bon, c'est un peu plus vers le sud-ouest, mais là, à Lac Mégantic, on est proche du maximum de ce qu'on peut avoir au Québec, on est à 3 minutes 27 de totalité. Mais si vous êtes pressé, vous avez Saint-Joseph, c'est le minimum, donc on est à 54 secondes de totalité et ça ressemble à ça. Donc, et ça se passe à quelle heure, ça? Parce que Oui. bon, tout à l'heure, vous avez dit, Joël, ça dure, l'événement total dure à peu près 2 heures, un peu plus de 2 heures. Donc, la totale, là, c'est quand dans ces 2 heures? Ça tombe où? Dans Exactement. l'avril, c'est quand? Dans ce 2h20-là, on a un tout petit moment de, comme je viens de dire, de 54 secondes à 3 minutes et demie, là, en plein milieu. En gros, là, dans la zone que je viens de mentionner, là, Saint-Georges, Lac Ouais. Mégantic et tout, la totalité commence à 15h29 et 39 secondes. Donc, on peut dire presque 15h30. Et puis, c'est ça, ça dure 1 ou 2 ou 3 minutes, là, dépendamment de où on est. Okay. Mais bien sûr, il faut s'installer sur place un peu d'avance, idéalement, parce que, Faut comme je disais. vivre, faut voir, faut vivre l'arrivée du phénomène. Ça. Oui, parce qu'au début, là, à mesure que la partielle se développe et à mesure que la Lune recouvre le Soleil, au début, c'est pas si évident. La luminosité ambiante ne change pas tellement. Ce n'est que lorsque le Soleil est recouvert à 80-85% que là, nos yeux. Bien sûr, notre cerveau le sait parce qu'on est au courant qu'il y a une éclipse, mais là que nos yeux le constatent réellement, on commence à voir qu'autour de nous, il commence à faire sombre parce que, et puis dans les 10-15 minutes avant la totalité, là, ça devient de plus en plus sombre, mais là, on le constate, on vit l'événement, là, de plus. Je disais tout à l'heure, c'est un peu long pour les enfants, mais à partir de 10-15 minutes avant la totalité, là, ça devient intense et ça déboule, la température commence à diminuer. Les oiseaux vont peut-être arrêter de chanter s'il y a des oiseaux où vous êtes parce qu'ils pensent que c'est la nuit qui tombe. Donc, il y a tout plein. On vit une éclipse, hein. On la voit pas seulement, il y a tout plein de sens qui sont sollicités. Ouais, c'est vraiment intéressant ça parce que ça veut dire peut-être c'est peut-être mieux d'aller disons dans les champs plutôt qu'en ville pour la voir, pour entendre la nature s'arrêter. Oui, effectivement. Entendre les voitures s'arrêter. Oui, mais je crois que il y a quand même Internet est plein de vidéos où on constate des attroupements, où on voit, lors d'éclipses précédentes, on voit dans des parcs ou des stades de football ou des choses, où avoir une foule, être entouré de plusieurs personnes, ça crée quand même une certaine émotion aussi parce qu'il y a la clameur, les gens se mettent à crier, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens, et ça s'auto-entretient, on dirait que les gens s'influencent les uns les autres. Donc, ça peut être émotivement assez intense aussi. Donc, libre aux gens de choisir le type d'émotion qu'ils veulent vivre cette journée-là. Donc, je retiens que ça se passe donc vers 3 h 30, mais là, je vois que vous regardez, Joël, comme des horaires. Il y a quelque chose où on peut, il y a une liste, il y a quelque chose, il y a un site où on peut s'informer précisément, parce que là, c'est pour Saint-Georges ou, mais si par exemple on décide d'aller à Granby ou à Sherbrooke, ça va se présenter un petit peu avant. Donc, est-ce qu'il y a un Exactement. site quelque part où on peut voir exactement à quelle heure ça se passe selon l'endroit où on va être? Oui, moi, ce que je consulte en direct avec toi, Valérie, en ce moment, c'est une carte du monde sur laquelle on peut cliquer puis avoir tout plein d'infos, même un peu trop d'infos. Il y a des choses que je comprends même pas là-dedans. Mais c'est un astronome français qui s'appelle Xavier Jubier qui a créé cet outil-là. Si vous tapez Xavier Jubier, Jubier, Eclipse, Xavier Jubier Eclipse, vous allez trouver cet outil-là. L'URL, l'adresse est un peu compliquée à vous dire comme ça à la radio, mais Xavier Jubier Eclipse, vous allez trouver l'éclipse de 2024. On voit bien la totalité, on voit bien la bande de totalité et on peut cliquer n'importe où sur la carte et voir si on est en totalité ou en partiel et voir les durées et tout et Et tout. à quelle heure? Ouais, exactement. Et puis, je pense que sur le, il y a aussi le site Eclipse Québec. Je ne sais plus Oui, exactement. Il donne quand même exactement. information avec des horaires, alors peut-être pas aussi précis que celui de Xavier Jubier, mais avec ces deux sites-là, on peut trouver quand même pas mal d'informations. Et EclipseQuébec.ca. ouais. Et puis, bah après, faut regarder, faut bien regarder. C'est-à-dire, faut pas regarder avec nos yeux. Oui, ben oui avec nos yeux, mais il faut protéger nos yeux, effectivement. Il y a tout un enjeu, puis il y a beaucoup de discussions ces dernières semaines ici au Québec sur la sécurité et tout. En gros, une éclipse n'est pas dangereuse en soi. Le soleil est dangereux en tout temps. Fixer le soleil avec nos yeux, une journée comme aujourd'hui, moi j'ai un beau soleil devant ma fenêtre. Je ne vais pas, on ne fait pas ça dans la vie en général, se pointer et fixer le soleil pendant plusieurs minutes. Et heureusement qu'on ne fait pas ça parce que c'est dangereux. On peut se brûler la rétine dans les yeux. On peut faire un coup de soleil aux yeux, en fait. Et puis, donc en temps normal, on ne fait pas ça, et heureusement, parce que c'est dangereux. Mais pendant une éclipse, là, il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Il y a ce fameux phénomène, et on veut le regarder, mais c'est le soleil qui est dangereux, qu'il ne faut pas fixer pendant de longues secondes. Donc, d'où la raison pour laquelle il faut utiliser des filtres, des lunettes d'éclipse. Ce ne sont pas des lunettes de soleil comme on emporte l'été à la plage. Ça n'est pas suffisant. Ça ne coupe pas suffisamment la lumière. C'est dangereux. Il faut utiliser ces filtres-là qui sont homologués, qui sont conçus vraiment pour couper 99,9% de la lumière. Autrement dit, il reste que 1 millième de la lumière qui traverse. Lorsqu'on s'amuse à enfiler ces lunettes-là, comme ça au quotidien dans sa maison, on ne voit rien. C'est très, très opaque. Il n'y a que le soleil qui est assez puissant pour qu'on le voie encore à travers ces lunettes-là. Et puis, donc, c'est ce qu'on utilise quand on veut fixer le soleil. Lors d'une éclipse partielle, comme à Québec, ce qu'on va connaître, il n'y aura jamais de moment où le soleil est complètement caché. Et même s'il ne reste que 1,4% du soleil, c'est 1,4% dangereux quand même. Ce sont des rayons lumineux du soleil avec toute la puissance. Donc, on garde les lunettes en tout temps quand on veut regarder le soleil pendant une éclipse partielle. Si vous vous déplacez au sud pour vivre la totalité, ben, au moment où la Lune va masquer complètement le soleil, si vous gardez vos lunettes, vous ne voyez plus rien. Parce que là, et là, le spectacle, la fameuse couronne que je racontais tout à l'heure, là, vous ne la verrez pas avec les lunettes, donc on les retire. Pardon, on les retire pendant la totalité. Et on savoure le spectacle. Et dès que les premiers rayons de soleil réapparaissent, on remet les lunettes pour continuer de se protéger. Ah oui, ça c'était un bon point là. Pendant la totale, là, avec les lunettes, on voit rien. Donc là, Non. il n'y a plus les rayons directs du soleil, donc on peut regarder la fameuse couronne. Oui, la fameuse couronne solaire, ce ne sont pas des rayons qui nous arrivent directement. Ouais. C'est quelque chose d'un peu plus diffus dans le ciel. Il n'y a aucun danger à regarder ça. Sauf que. Souvent, on me dit, mais pour s'assurer la sécurité, est-ce qu'on pourrait ne pas dire aux gens ça puis qu'ils gardent les lunettes tout le temps? Je dis, mais non, ils verront rien. Ils vont manquer le spectacle. Donc, les derniers rayons du soleil disparaissent, enlevez les lunettes, savourez la totalité. Bien sûr, si vous êtes dans une zone où il y a une totalité. Et puis après, dès que les premiers rayons du soleil réapparaissent, on remet les lunettes. C'est pas grave. Si on est ébloui une seconde ou deux, on panique pas. C'est pas un rayon de la mort qui nous tue d'un coup. C'est des rayons du soleil. On peut survivre à 1 ou 2 secondes, là. On remet les lunettes. Maintenant, là, donc, je crois comprendre qu'il y a quand même une course aux lunettes. Il commence à y avoir, ben, il y a des ruptures de stock, faut fouiller pas mal pour commander des lunettes et essayer de se les faire envoyer d'ici le 8 avril. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas réussi à avoir des lunettes? Il y a effectivement une course aux lunettes. On n'est pas les seuls. Il y a plusieurs millions d'Américains qui veulent aussi voir ça. Donc, le marché de la lunette en Amérique du Nord en ce moment est saturé, est débordé. Si on n'en a pas, Une alternative qui ne fonctionnera qu'avec très peu de gens, mais un masque de soudeur, mais d'un calibre 14. Ça, c'est très, très opaque. Je m'y connais pas beaucoup en soudure, mais je sais que les masques de soudeur ont des calibres, des niveaux d'opacité. Et la plupart de ceux qui se vendent dans les grandes surfaces, les quincailleries de ce monde, sont d'un calibre 11. Ce n'est pas suffisant. Donc, si vous avez un masque un peu plus industriel qui atteint 14, parfait, vous êtes protégé, mais c'est un peu costaud à trimballer. Sinon, il n'y a pas d'autre option pour regarder directement. Alors, on doit se tourner vers des options d'observation indirecte. En gros, c'est de tenter d'avoir une projection de l'éclipse sur un écran. Comment on fait ça? Ben, c'est heureusement très simple. Une feuille de papier avec un trou au milieu, un tout petit trou. Et là, le but n'est pas de regarder le soleil directement par le trou, mais plutôt de se placer dos au soleil. On tient la feuille, par exemple, au-dessus de notre tête ou à côté de nous, et la lumière qui va passer à travers le trou et qui va continuer, ben, il faut quelque chose qui fasse un écran, une autre feuille, le plancher, un mur ou n'importe quoi, n'importe quelle surface. Donc, en gros, on va pouvoir voir sur cette surface, de façon indirecte, ben, le croissant de soleil qui diminue à mesure que le temps avance. Et puis, donc, c'est pas aussi spectaculaire, mais ça permet quand même de voir la progression de la Lune qui cache de plus en plus le soleil. C'est le principe on entend souvent parler de la fameuse boîte à chaussures. C'est le même principe de prendre une boîte à chaussures, on fait un petit trou sur une paroi de la boîte. Le but, c'est que l'image de l'éclipse aille se projeter sur le fond de la boîte et ça prend bien sûr un autre trou pour qu'on puisse mettre l'œil dedans et voir ce qu'il y a au fond. La difficulté avec ça, c'est que la grosseur du trou qu'on aura fait détermine la profondeur que la boîte doit avoir pour que l'image soit nette ou pour qu'on ait une image focus en quelque sorte. Donc, si votre trou est trop gros par rapport à la profondeur de votre boîte, ça va être une tache lumineuse diffuse, vous ne distinguerez pas très bien le croissant. Donc, il vaut mieux faire des tests avant, avant l'éclipse, qui est tout à fait possible. Avec un beau soleil, Ah ben ouais. on peut faire des tests, essayer d'avoir la bonne grosseur de trou. Et comment on le sait? Ben, c'est simplement si la tache est bien ronde lors d'une journée ensoleillée normale. Si la tache est bien ronde, ça veut dire que ce n'est pas le rond de votre trou que vous voyez, c'est vraiment le soleil que vous voyez sur le fond. Et puis, si au contraire, c'est une tache un peu diffuse, blanche, ben, vous n'avez pas réussi votre boîte à chaussures, il faut refaire un trou plus petit ou plus gros. C'est Voilà. probablement plus petit. Le plus Un petit petit, il y a peu de mieux. travail manuel précédemment. Oui, mais avec les enfants, c'est un bricolage très intéressant à faire. Voilà, exactement. Après, il faut quand même se mettre en bonne condition parce que vous l'avez dit, Joël, l'événement va durer à peu près 2 heures, 2 heures dehors. Même si c'est plus le plein hiver, c'est quand même pas la haute température. Et puis, le soleil va se cacher, donc il va faire un peu plus frais. Oui, exact. On a un printemps bizarroïde cette année, un hiver qui a redémarré alors qu'on pensait le printemps arriver. Donc effectivement, qui sait si le 8 avril, il va faire 20 degrés ou moins 10? On ne sait pas. Donc faut prévoir bien sûr des vêtements chauds. Dans un monde idéal, si vous voulez vraiment vivre les 2 heures et quelques, vivre cet événement-là sur toute sa durée, ben, on trouve un endroit où il y a des toilettes pas trop loin, même si on est dehors. Si vous êtes avec des enfants, trouvez des choses à leur faire faire pendant l'attente, parce qu'ils vont s'impatienter. Mais oui, prévoir des couches de vêtements, des mitaines, des gants. Voilà. Mais heureusement, en consultant la météo un jour ou deux d'avance, on peut déjà un peu mieux savoir à quoi s'attendre. Mais lors d'une éclipse, la température ambiante chute momentanément et on parle, là, dépendamment des expériences puis des endroits, mais ça peut descendre entre 5 et 10 degrés quand même. Donc, s'il fait seulement 3 degrés, ça va tomber à moins 7, donc possiblement. Donc, il faut prévoir, bien sûr, de se tenir au chaud pendant ce bel événement. Et est-ce que ça vaut le coup de faire des photos, de prendre l'éclipse en photo? Ah, c'est une belle question, ça. Des fois, on est dans cette époque ou cette génération où on prend tout en photo et on ne vit pas toujours l'événement. Moi, j'y vais de mes recommandations toutes personnelles. Pardon. Toutes personnelles. Je ne vivrai probablement pas d'autre éclipse totale de ma vie. Alors, je ne vais pas perdre mon temps à tenter de la photographier et à avoir la meilleure photo possible. Je vais ranger mon téléphone et moi, je vais tenter de vivre l'événement. Surtout que dès le soir même ou le lendemain, sur le web va être inondé de superbes photos prises par des astrophotographes qui ont l'équipement approprié avec les bons appareils photo, les filtres solaires, qui savent comment s'y prendre pour faire de très belles photos. Si jamais vous voulez le faire quand même, ben, sachez que votre appareil photo, notamment votre cellulaire, votre téléphone, la caméra n'est pas aussi sensible que la rétine de vos yeux, mais presque. Autrement dit, fixer, prendre longtemps des photos ou filmer une éclipse pendant de longues minutes avec ça, vous risquez de brûler la caméra de votre appareil photo. Oui. Donc, le filtre que vous utilisez pour vos yeux, les lunettes d'éclipse, pourraient faire l'affaire. Mais là, ça commence à être un peu délicat, ça va bouger, il y a des reflets là-dedans, de tenir le filtre devant la... Bon, il se vend des petits filtres qu'on peut clipper sur le téléphone, ça existe. Tout ça pour dire que c'est un peu compliqué pour faire une photo qui sera moche de toute façon si vous n'avez pas un équipement d'astrophotographe. Donc moi, je recommande ranger vos appareils photos, vivez le moment. Si vous voulez vraiment prendre des photos, ben payez-vous un photographe professionnel et payez-le. Et puis gardez les photos après. Ouais, je crois que c'est faut vraiment pas rater cet événement en essayant de prendre à tout prix une photo et puis de Oui. rater l'éclipse. Alors, merci beaucoup, Joël, pour tous ces judicieux conseils pour faire de ce 8 avril un moment mémorable. Oui, je nous souhaite à tous un ciel dégagé et une très belle éclipse à tout le monde. Merci beaucoup, Joël. Alors, nous étions en compagnie de Joël Leblanc, qui est journaliste scientifique, animateur et co-auteur de ce livre Éclipse quand le soleil fait son cirque, qui est paru cet hiver aux éditions Multimonde. Et en deuxième partie d'émission, il sera toujours question d'éclipse, parce que comme je vous le disais en introduction, Mathieu Riopel, qui est professeur de physique au Cégep Bégarneau, avait déjà fait une chronique sur les éclipses, mais pour parler des éclipses célèbres qui ont fait l'histoire des sciences. Alors, après la pause musicale, restez donc sur CKRL 89.1, car ce sera l'occasion de redécouvrir ces éclipses célèbres avec Mathieu Riopel. Sont des portes d'église où j'entre le matin, le chapeau à la main. T'es la voix Louise, penses-tu ce qu'elles me disent? Ou c'est du caraco, le rubis d'un mégot? Après tout, peu importe où j'allume ma clope, au premier feu du jour ou aux foudres de l'amour. Si les miennes se grisent à tes lèvres, Louise. Sur tes lèvres, Louise, les miennes sont assises. Je ne décolle plus les fesses de ce banc de messe. Tes lèvres, Louise, crois-tu ce qu'elles me disent? Où cette basilique est un kiosque à musique? Après tout, peu importe où j'allume ma clope. Si ce n'est pas l'amour, ce sont les alentours. Si les miennes se grisent à tes lèvres, Louise. Ta lettre, Louise, est arrivée tantôt. De tes lèvres cerises, elle porte le sceau. Tes lèvres, Louise, me donne congé, ma rage s'épuise sur mes ongles rongés. Paris te contient et je suis jaloux comme un chien. Je reviens gratter à ta porte. Tes lèvres sont closes, Louise, tu m'envoies sur les roses. Dis-moi quelque chose, rien. Louise, je ne veux plus que tu passes la nuit en bas de l'avenue sous un parapluie.